Chapitre 17e, le chien de Saint-Malo. Malheureusement, la victoire des Trouins ne sauvait pas leur patrie. Les bombes anglaises continuaient de semer l'incendie et la mort dans la ville, et le brûlot infernal se préparait à l'ensevelir d'un seul coup sous ses ruines. Au moment où l'horrible machine s'avançait par une brise favorable, René revenait à Dinard d'une nouvelle expédition avec son matelot Lagal et les pêcheurs qu'il était allé chercher suivant sa promesse. Ils avaient repoussé victorieusement une descente des ennemis à Saint-Jagut, mais ils rapportaient sur un brancard l'élève pilote blessé à mort. À cette vue lamentable et à celle du brûlot destructeur, que l'on croyait toujours guidé par Bernard, rien ne put contenir l'indignation des paysans et des mariniers, ameutés de village en village autour de leur ami expirant. Ce n'était plus l'incendie de la maison du traître, c'était l'extermination de sa famille que réclamait leur vengeance. « Mort à tous les Bernards ! Allons les fusiller sur la pointe ! Que le misérable, avant de nous écraser, voit de la flotte anglaise toute sa race périr de notre main ! Que le flot lui porte, avec nos malédictions, le cadavre de son dernier enfant !» Ainsi criaient les malheureux en délire, oubliant sur quelle tête allait tomber leur fureur. Marie-Ange, qu'ils appelaient naguère la bonne vierge de Dinard, et un oncle septuagénaire avec un neveu de 12 ans, qu'elle avait retiré le jour même de Saint-Malo. Duguay se flattait toujours que les plus insensés s'arrêteraient devant de telles victimes. Mais arrivé à 100 pas de la maison maudite, il sentit toute l'impuissance de ses efforts contre une multitude qui n'avait plus rien d'humain. La machine infernale s'approchait justement de Dinard pour doubler le fort royal et le grand bai. La ville et la campagne étaient plongées dans un effroyable silence, le silence de toute une population qui attend la mort. Les habitants fuyaient leurs maisons, les soldats leurs postes et les animaux leurs étables. Pas un canon ne tirait sur le brûlot. Que pouvait un boulet contre un volcan? On n'entendait enfin que le son des cloches, pareil au glas mortuaire et les prêtres implorant la miséricorde divine. Les pêcheurs y mêlèrent une dernière imprécation, culbutèrent René comme un torrent, lui passèrent sur le corps, envahirent la maison de Bernard, en arrachèrent Marie-Ange, son oncle et son neveu, les traînèrent jusqu'à la pointe et s'apprêtèrent à les fusiller. Ce fut alors que la machine infernale éclata. Et jamais oreille humaine n'ouïe une explosion semblable. Une immense colonne de flammes et de fumée s'éleva d'abord perpendiculairement. Des milliers de détonations se succédèrent aussitôt, pareilles au feu roulant de 100 batteries, et la dernière, la plus épouvantable de toutes, sembla ébranler à la fois le ciel, la terre et la mer, et suspendre l'harmonie des éléments. Le moine de Saint-Malo prétend qu'on l'entendit jusqu'à Alençon, c'est-à-dire à plus de 30 lieues. Enfin, la colonne de fumée ardente s'étendit lentement, en s'affaissant sur elle-même, et en voilant la lumière du jour, au point d'imiter la nuit. Puis, comme un feu d'artifice tiré sous un dais sombre et colossal, on vit s'élancer de la gueule du volcan et se disperser en tous sens des jets de flammes écarlates, des corps noirs et massifs, des soleils tournoyants, des chaînes et des barres de fer, des bombes d'une grosseur incroyable, des tonneaux de poudre, de soufre et de salpêtre. En un mot, tous les instruments d'extermination imaginables. Au premier bruit, chacun s'était jeté à genoux, en recommandant son âme à Dieu. Mais figurez-vous la surprise et la joie commune, lorsqu'on aperçut, en se relevant, toutes les maisons de Saint-Malo debout et intactes, et le brûlot infernal échoué à 50 mètres des remparts et vidant innocemment sur un écueil ses entrailles éteintes par le naufrage. On crut d'abord un miracle, et un cri de reconnaissance monta vers le ciel. Mais le ciel y répondit en jetant un corps sanglant sur le rivage, au pied même du promontoire de Dinard, à 20 pas des mariniers qui couchaient en joue Marie-Ange. Ce corps, que notre héros releva le premier, était celui du pilote Bernard. C'était donc bien lui qui conduisait le brûlot. Et les pêcheurs allaient l'achever sans doute lorsque René trouva sur sa poitrine un rouleau de fer blanc. Ce rouleau contenait un parchemin, et sur ce parchemin Bernard avait écrit de son sang. Les Anglais cherchent un traître pour anéantir Saint-Malo. De peur qu'ils ne le trouvent, je vais passer pour tel et feindre d'accepter leurs offres. Je crèverai leur machine infernale sur un écueil et je me perdrai en sauvant mon pays. Permettez, mon Dieu, qu'un honnête homme trouve cet écrit et prouve que je ne suis pas mort en lâche, mais comme il convenait, au chien de Saint-Malo. Signé Bernard. Comment exprimer l'effet de cette révélation, d'abord sur René, puis sur les pêcheurs, puis sur Marie-Ange, puis sur Luc Trouin, puis sur tous les habitants de Saint-Malo? l'explosion de leur repentir, de leur enthousiasme, de leur ivresse, n'eut d'égal que celle de leur joie, quand leur sauveur revint à lui, sauvé à son tour par la Providence, que des 30 blessures dont il était criblé, voulut que pas une ne fût mortelle.